Pourquoi n'as-tu pas écrit ? Je n'avais pas le temps, sinon j'aurais écrit. Pourquoi n'as-tu pas téléphoné ? Je n'avais pas le temps, sinon j'aurais téléphoné. Pourquoi n'as-tu pas attendu ? Je n'avais pas le temps, sinon j'aurais attendu. Pourquoi n'as-tu pas répondu ? Je n'avais pas le temps, sinon j'aurais répondu. Pourquoi n'es-tu pas revenu ? Je n'avais pas le temps, sinon je serais revenue.